FrenchPod.com. Adrien, où t'étais passé ? J'étais chez Mathieu, maman. Je te l'ai dit, on joue aux jeux vidéo. Non mais t'as vu l'heure ? Je me suis fait un sang d'encre. Pourquoi tu m'as pas appelé pour me prévenir que tu rentrerais aussi tard ? Je sais pas, on s'amusait bien, je n'ai pas vu le temps passer. En plus, devine ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ton bulletin de notes. Oh non. Voilà ce qu'il dit. Élève distrait, passe plus de temps à regarder les filles qu'à écouter ses professeurs. Mais c'est n'importe quoi. Je les écoute, les professeurs. Mais j'y peux rien si leurs cours sont inintéressants. Ah, leurs cours sont inintéressants, donc tu sèches les cours, c'est ça ? Je vois ici que tu as plus de 5 absences injustifiées. Écoute, maman, je comprends pas. L'administration a dû faire une erreur. Il y a un autre élève qui s'appelle Adrien Leblanc dans l'école. Ils ont dû me confondre avec lui. Non mais tu crois que je suis tombée de la dernière pluie ou quoi ? Écoute, ça suffit, je peux entendre tes excuses. Il est temps que tu apprennes que la vie n'est pas un jeu. Donc les jeux vidéo, les soirées chez Mathieu ou je ne sais qui d'autre, c'est fini. Tu es privé de sortie.